First Peter chapter 5, 1 Pierre 5, verse 10. Verset 10. First Peter chapter 5, verse 10. 1 Pierre 5, but the God of all grace, who has called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish you, strengthen you, and settle you. Your destiny is settlement. Votre destinée, c'est être établi. I bless you with settlement and je vous bénis avec l'établissement. All our Jesus mission, tout par rapport Kigeri international, international, international, international. Mission internationale. Mission international, Jésus qui guérit. Jésus qui guérit. Wow. Wow. All churches. Toutes les églises. Mission, de mission internationale. Jésus qui guérit. Are going to be established with church buildings. Vont être établis avec cette gloire là. Soon you will see pictures of. Bientôt vous verrez des photos. Mission internationale. Jésus qui avec guérit. Mission Conakry. À Conakry. Soon, bientôt, with the office building, avec un bâtiment des bureaux. Soon you see in Dakar, bientôt à Dakar. Soon you see in, bientôt vous verrez Cotonou. Aussi à Cotonou. Soon you see it, bientôt in vous verrez Abidjan. À Abidjan. Soon you see one in Divo, bientôt vous verrez à Divo. People will wonder whether is this the headquarters or les gens vont se the dire, headquarters of the church. Mais est-ce que c'est le quartier général ou c'est juste l'église? Receive it in the name of Jesus. Recevez au nom de Jésus. Ouagadougou. Ouagadougou. You will soon be putting pictures on Facebook of your building. Des gens vont mettre des photos de ton bâtiment. Establishment is your destiny. L'établissement c'est ta destinée. Establishment is your destiny. L'établissement c'est ta destinée. Sokode, à Sokode, Kara, Kala, Parako, Bamako, Abomi Kalave, Abomi Kalawe. It's happening practically. Ça va se passer de manière pratique. It's happening. Ça Kinshasa, à Kinshasa, Lumumbashi, Kisangani, Kisangani, Brazzaville, Kigali, Bujumbura. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Yaoundé. Douala. Amen. Limbe. Amen. In Jesus name. Au nom de Jésus. Atakpami. Amen. Malime. Amen. In Jesus name. Au nom de Jésus. All are filled with buildings. Tout cela va se passer. Yes. Oh oui. Very soon. Très bientôt. You'll be taking pictures of Inzerikori. En prenant des photos à Inzerikori. En Guinée. Kekedou. Kekedou. Mamou. Kisidougou. Amen. Kindia. Amen. Practically. D'une manière pratique. Watch and see. Regardez, vous verrez. It says, after you have suffered for a while. Après que vous ayez souffert the un Lord temps. Strengthen you. Le Seigneur vous fortifiera. Establish you. Il vous établira. Et vous aura inébranlable. Your weddings will be nice in those church buildings. Vos mariages seront merveilleux dans ces églises-là. Some of you thought you would never have a wedding. Certains pensaient que vous n'auriez pas de mariage. But through the word of God. Mais par la parole de Dieu. You are becoming more beautiful than. Tu deviens plus belle. Been. Sit down. Prenez place. Some of you thought that. Certains ont pensé. Nobody will like you again. Que personne ne va m'aimer. But I declare. Mais je déclare. You are 100 times more beautiful than when you first started. 100 fois plus belle que ce que tu penses. Amen. Amen. Do you believe it? Est-ce que vous y croyez? The Lord will establish you. Le Seigneur vous établira. God is going to do it. Dieu va le faire. God is going to do it. Dieu va le faire. That's his plan. Ça, c'est son plan. Isaiah. Ésaïe. Chapter 2. Chapitre 2. Isaiah. Ésaïe. Chapter 2. Chapitre 2. Verse 2. Verset 2. And it shall come to pass. Il arrivera. In the last days. Dans la suite des temps. That the mountain. Que la montagne. Of the Lord's house. De la maison de l'Éternel. Shall be. Sera établi. The mountain of the Lord's house. La montagne de la maison de l'Éternel sera établie. In the top. Sur le sommet of the mountains. Des montagnes. So there are mountains, but this mountain will be on top of the mountain. Mais sur cette montagne là, vous serez au top. I told you that our destiny is what a city. J'ai dit que notre destinée c'était quoi? Une ville établie sur la montagne. Our destiny is what outstanding. J'ai dit on sera remarquable. I told you that your destiny is what. J'ai dit quoi? Notre destinée sera remarquable. Mission internationale. Mission internationale. Jésus qui guérit. Wow. And shall be exalted. It shall be what? Exalted. Elle sera élevée. The mountain of the Lord shall be exalted. La montagne de l'Éternel sera élevée. The church élevée. Is going to be very great. This is the prophecy. It's going to be very great. Les églises seront, les prophéties seront très grandes. This mission international. Cette église, la mission internationale. It will be one of the largest churches ever in Africa. Sera une des églises les plus larges qui a existé. Mission internationale. Jésus qui guérit. Shall be exalted above. Elle s'élèvera par-dessus les collines. And all nations. Et toutes les nations. Shall flow unto it. Y affluent. It's going to be a very international church. Ça sera une église très internationale. All nations. Toutes les nations. God has established, you see, Lighthouse Chapel International, established in the top of the mountains. Dieu a établi l'église internationale. Above the hills. We are here on the sur top le of the sommet des montagnes. On est sur le sommet d'une montagne. Have flowed here. When I was coming there, I was being greeted by different nationalities. Et quand je venais ici, il y avait différentes nationalités qui étaient ici qui me saluaient. Many nations have beaucoup de nations sont venues ici. Even all of us here. Même nous tous ici, plusieurs nations différentes. There's nobody here is a Ghanaian. Il n'y a personne qui est ici qui est Ghanéen. Yeah. Nations have flowed. Des nations y affluent. And many people. Et beaucoup de gens. In verse 3. Verset 3. Many people shall say. Les peuples nombreux s'y rendront et diront, venez, let us go up. Montons the mountain of the Lord. À la montagne de l'Éternel. To the house of the God of Jacob. À la maison du Dieu de Jacob. And he will teach us. Et il nous enseignera of his ways. Ses voies. We will walk et nous marcherons in his path. Dans ses sentiers. For out of Zion car shall de Sion go forth sortira the law, la loi and the word of the Lord from Jerusalem. Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Now somebody say, oh, but all this Jerusalem, man, we are not Jerusalem. Quelqu'un va me dire, mais toutes ces choses-là par rapport à Jérusalem, on n'est pas là-bas. I'm shocked at what you are saying. Je suis choqué à ce que vous pouvez dire. Turn to Hebrews chapter 12. I'm so surprised that you say something like that. À Hébreux 12. Je suis tellement choqué que vous ayez dit ça. Hebrews chapter 12. Hébreux 12. There you see from verse 14. 14. Follow peace with all men. Chercher la paix avec tous. All right. Okay. And holiness without which no man shall see the Lord. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verse 18. For you are not come to the mountain that cannot be touched. Vous n'êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. That burned with fire. Qui était embrasée par le feu. Nor to the sound of a trumpet and the voice of words which those that heard it entreated that the word should not be spoken anymore. Ni du retentissement de la trompette, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé en aucune de plus. Verse 22. 22. But you are come to Mount Zion. Mais vous êtes approché de la montagne de Sion. Christians. Ce sont des chrétiens. We have come to so that our spiritual address. Donc notre adresse spirituelle is Mount Zion. C'est la montagne Sion. Unto the city of the living God. Vers la cité du Dieu vivant. The heavenly Jerusalem. La Jérusalem céleste. To an innumerable company of angels. Vers des myriades qui forment le cœur des anges. To the general assembly and church of the firstborn which are written in heaven. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. And to God the judge of all. Et du juge qui est le Dieu de tous. So this is where we've come to. Ça c'est là où on est arrivé. One day mission un jour international Jésus qui guérit will be going to Israel for a visit. Ira en Israël pour une visite. When we go, quand on ira, one of the things I want you to look out for is Mount Zion. Une des choses qu'on verra là-bas c'est la montagne Sion. And Jerusalem. Et Jérusalem. Yes. Jerusalem, those of you who know Ghana, ceux qui connaissent le Ghana, is like Jamestown. C'est comme Jamestown. You know Jamestown in Ghana. Vous savez où c'est? It's the small old place. C'est un vieil endroit. But now Accra petit. Goes up to East Legon and et maintenant Accra va jusqu'à East Legon. Adenta. Et Adenta. So that's how Jerusalem is now. C'est comme ça qu'est Jérusalem. It's an old city. C'est une vieille cité. That's the original Jerusalem. Qui forme la Jérusalem d'origine. Big lot of new houses. Et maintenant il y a de nouvelles maisons it's qui se sont ajoutées et ça fait toujours partie de Jérusalem. Now if you ask where is Mount Zion? Maintenant si vous demandez où est la montagne de Sion? Is one of the little I would even call it a hill. Moi j'appellerais même cela une petite colline. They are not so sure which place is Mount Zion. Ils savent même plus où est vraiment la montagne de Sion. Within the old Jerusalem somewhere there. C'est vers l'ancienne Jérusalem. One of the places that is sort of called Mount Zion. Et il y a un endroit là-bas dans la vieille Jérusalem qui s'appelle la montagne de Sion. Mount Zion. La montagne de Sion. To the heavenly Jerusalem. So Jerusalem and Mount Zion is like the same, almost the same place. Donc Jérusalem et la montagne de Sion, because c'est presque au même endroit. Jerusalem is on the top of a hill. Parce que Jérusalem c'est sur le sommet d'une montagne. It's not easy to climb if you are on foot. To climb up. C'est pas facile de monter. Because you are down and you parce have to plus that's bas. Why David chose it because if you are fighting him you come from down. C'est pour cela que David a choisi cette ville. They'll strike you down. Parce que quand vous l'attaquez, vous venez d'en bas. So that's why David chose that place, Mount Zion. Et Jérusalem a choisi la montagne de Sion pour cela. They chose it, they built walls around it. Et ils ont construit ensuite des murs autour. They've been building walls, breaking. So when you go there, some of the walls are there. Et construisent des murs et des fois ils les détruisent, mais vous trouvez toujours des ruines. Are you with me? Vous me suivez? You'll be there. Vous y serez. You will be there. Vous serez là-bas. Nothing can stop your visit to Jerusalem. Rien ne peut arrêter votre visite à Jérusalem. But even before you are able to go there physically, mais même avant d'être capable d'y aller physiquement, the Bible is saying that we have come to Mount Zion. La Bible dit nous sommes arrivés à la montagne de Sion. If somebody asks you where do you stay, you can just say Mount Zion. Si quelqu'un te demande tu habites où, tu dis j'habite à la montagne de Sion. If the area is not such a nice area, you just say Mount Zion. Si l'endroit n'est pas un what bon endroit à mentionner, dis simplement oh, j'habite à la montagne de Sion. But the Bible says we have come to Mount Zion. Parce que la Bible dit on est arrivé à I la montagne de Sion. There. Je vous vois là-bas. And to the heavenly Jerusalem. Et dans la Jérusalem céleste. Back to Isaiah chapter 2. Allons dans Isaïe chapitre 2. Back to Isaiah chapter 2. Isaïe chapitre 2. It shall come to pass. Et il arrivera. In the last days. Dans les derniers jours. Are these the last days or the? Dans les derniers jours. Even in the days of Peter. Même à l'époque when de Pierre, the Holy Spirit fell, quand le Saint-Esprit est descendu, 2000 years ago, il y a 2000 ans, he said, il a dit, the last days. C'était les derniers jours. How much more now? Et à plus forte raison maintenant. But there may be 3,000 more years. Peut-être il reste 3000 ans encore. Wow. Wow. There may be 500 more years. Peut-être il y a encore 500 ans encore. There may be 5 years. Peut-être il reste 5 ans. Nobody can tell. Personne ne peut dire. But there may be another 1,000 years. Mais il peut y avoir un autre 1000 ans. We may be called saints. On sera appelés in the future. Des saints dans l'avenir. Yeah. Somebody may get up and say, oh, Saint Doug and Saint Simone. Quelqu'un va se lever un jour et va dire, oh, le Saint Doug et la Sainte Simone. Well, years ago. Ils étaient là il y a des années. Wow. Is it amazing? N'est-ce pas étonnant? It shall come to pass in the last days. Et ça arrivera dans les derniers jours. That the mountain of the Lord's house. Dans la montagne de la maison de l'Éternel. Shall be established. Ça sera établi. Establishment is coming to you. L'établissement vient dans votre establishment, vie. We are talking about having your wedding in your own church hall. On parle d'avoir un mariage dans votre propre salle d'église. We are talking about cars being parked, your car being parked outside of the On parle de votre voiture parquée juste dehors, dans le parking de l'église. We are talking about you traveling to Paris and visiting the Paris church and coming right back to Saint-Denis. On parle de vous qui voyagez, allez visiter l'église de Paris et les églises. We are talking about you visiting the church in Genève. On parle de vous qui visitez l'église à Genève. I see you there. Je vous vois là-bas. There are three sisters here. You are doing shopping in Geneva. Il y a trois sœurs ici qui font leur shopping à Genève. Receive it in the name of Jesus. Recevez au nom de Jésus. Some of you have only been doing shopping in African markets. Certains font leur shopping uniquement dans les marchés africains. God is changing your story. Mais Dieu change and your, votre histoire. Your struggles are coming to an end in et this meeting. Arrive à leur fin. Establishment is replacing struggles. L'établissement remplace les luttes. Every church which has been struggling to have more than 20 members. Toutes les églises qui luttent pour avoir members, plus de 20 membres. More than 50 members. Plus que 50 you membres. You are declared an Je déclare un établissement maintenant. Amen. Amen. Are you excited about that? Êtes-vous excité par rapport à ça? It shall come to pass. Ça va se réaliser. It shall come to pass. Ça va se réaliser. It shall come to pass. Ça va se passer. In the last days. Dans les derniers jours. That the mountain of the Lord. Où la montagne. Shall be la maison de l'Éternel in the sera of the mountain, établie sur le sommet shall be exalted de la montagne. Above et elle s'élèvera au-dessus and all de nations tout. Et toutes les nations shall flow unto it. Y afflueront. And many shall come and say, come and let us go to the house of the Lord. Et ils diront, allons à la maison de l'Éternel. He shall teach us of his way. Il nous enseignera ses voies. For his law and his judgment do go forth out of Jerusalem. Parce que ses lois et ses jugements vont au-delà de Jérusalem. Hallelujah. Amen. That's your portion. C'est votre portion. I am commanded to bless you and I bless je you. Je reçois l'ordre de vous bénir et je vous bénis. I am commanded to bless and I bless you with this. Je reçois l'ordre de vous bénir, je vous bénis au nom de Jésus. A little one shall become a thousand. Le plus petit deviendra un millier. You know? I've never been to Kinshasa. J'ai jamais été à Kinshasa. But I pray for Kinshasa. Mais je prie pour Kinshasa. For the church. Pour l'église. I've never been to Lubumbashi. J'ai jamais été à Lubumbashi. But I pray about it. Mais je prie pour cela. Even today I pray them. Je prie. I've never been to Kisangani. J'ai jamais été à Kisangani. But I pray for it. Mais je prie pour cela. All the time. Tout le temps. Oh God. Oh, oh Seigneur. God. Oh Dieu. Shall come to pass. Ça va se réaliser. The mountain of the Lord's house. Tu vas établir la maison in the top of the mountain. Au-dessus de la montagne, tu établiras ta maison. Above the hills. Et ça s'élèvera au-dessus des collines. fait, Seigneur. And when the angel came to Daniel, the angel said, I am come for thy words. Et quand l'ange est venu enfin voir Daniel, il a dit, je suis venu à cause de tes paroles. Thy words I am sent for. C'est à cause de tes paroles que j'ai été envoyé vers toi. Night after night, nuit après nuit, les paroles caused me an angel to be sent for. On fait que l'ange puisse être envoyé et vienne jusqu'à Daniel. We are not leaving any country for any religion. On ne peut pas croire en Dieu pour une religion dans un pays. We are not leaving any country for it. It shall come to pass. Ça va se réaliser. Ça va se passer. In the last days, dans les derniers jours, the mountain, que dans les montagnes, of the Lord's house, sur la montagne de la maison de l'Éternel, established. Ça sera établi. I just saw a car on a car park. J'ai vu une voiture sur I un think parking. It's the pastor of the church, the pastor. Et là, c'est le pasteur de l'église. Park on the car park. Il est parqué dans la voiture. Somebody here. Quelqu'un I'll ici. I'll be arriving at the airport. You'll be coming to pick me in a Land Cruiser. Je vais venir à l'aéroport et tu viendras me prendre receive avec ta Land Cruiser. Reçois au nom de Jésus. Wherever they said the church cannot grow. Là où on dit que l'église that's ne peut pas grandir. C'est là où ça va grandir. You go to Conakry. You went to Conakry. Yeah, Conakry. They are having over 100 people. Ils ont plus 100% Islamic nation. Ils ont plus de 100 membres. Alors qu'il y a plus de beaucoup de gens qui sont musulmans. I pray for Ziguinchor. Je prie pour Ziguinchor. And a town called Capscary. Et une autre ville qui s'appelle Capscary. Capscary. It's down at the end of Senegal. I went there. Et c'est au fin fond du Sénégal. Once my foot was there. Aussi longtemps que mes pieds ont foulé le sol là-bas. J'ai dit l'église doit avoir. L'église doit être là-bas. I cannot leave that place. Je ne peux pas être là-bas. Wow. I cannot leave it. Je ne peux pas laisser cet endroit comme ça. Church after church. Des églises après des églises. The mountain église, of the Lord's house. Sur la montagne de la maison de l'Éternel. Ça sera établi. Non. Non. Non. So God, et donc Dieu, is going to use us, va nous utiliser, greatly establish his work. Et va grandement établir son œuvre. Greatly. Grandement. Greatly. Grandement. Many are going to be saved. Beaucoup seront sauvés. There will be lawyers in the church. Il y aura des avocats dans l'église. There will be doctors in the church. Il y aura des médecins à l'église. There will be government officials in the church. Il y aura des officiels du gouvernement dans l'église. There will be husbands in the church. Il y aura des maris à l'église. There will be wives in the church. Il y aura des femmes à l'église. A time will come. Un temps viendra. No sister will be crying in the church. Aucune sœur ne va pleurer à l'église. Nobody likes me. En disant personne ne m'aime. Somebody will like you by all means. Quelqu'un va t'aimer certainement. Somebody will like you by all means. Quelqu'un va t'aimer de toutes les façons. Your surprise is on the way. Ta surprise est I sur said, ton chemin. Your surprise je dis, is on the way. Ta surprise est sur le chemin. Yes. Oh oui. It shall come to pass. Ça va se passer. In the last days. Dans les derniers jours. That the mountain. Sur la que la montagne. Of the Lord's house. De la maison de l'Éternel sera établi in the top, au sommet the top of the mountain, des montagnes and shall be exalted. Et elle s'élèvera. I told you are a city set on a hill. Vous avez dit que vous êtes une ville établie people sur une montagne. Les gens vous connaîtront. Instead of you talking about people, people will now be talking les gens about parleront you. De vous au lieu que vous parlez des gens. And all nations shall flow. Et toutes les nations y afflueront. You are declared an international church. Je déclare, vous êtes une église internationale. Truly international. Véritablement internationale. Truly international. Vraiment internationale. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Are you excited about it? Êtes-vous excité par rapport à cela? Turn to Micah chapter 4. Micah. Allez dans Michée chapitre 4. Micah Wow. Wow. What does Micah also have to say? Qu'est-ce que Michée a aussi à dire? Are you in Micah? Êtes-vous dans Michée? Chapter 4. Chapitre 4. What is he saying? Qu'est-ce qu'il dit? But it shall come to pass. Il arrivera. That the mountain of the Lord. Que la montagne de la maison in the top of the de l'Éternel soit et sera établie and sur it le shall sommet. Be exalted above the hills. Et elle s'élèvera par-dessus les collines. You see, Micah is prophesying the same thing of Isaiah. Michée prophétise les mêmes choses qu'Isaïe. Même chose. Isaiah and Bible says in the word of two, in the mouth of two or more, it shall be established. Bible déclare par la déclaration de deux He's ou trois personnes que c'est établi. Same prophecy. Et ils ont reçu les mêmes prophéties. Wow. And many nations. Et des nations. Shall come and say, come and let us go up to the mountain of the Lord. Diront, venez montons à la montagne to the house of the God of Jacob. À la maison du Dieu de Jacob. He will teach us his ways. Il nous enseigne ses voies. We will walk in. Are you going to listen to his teachings? Allez-vous écouter ses voies, ses enseignements? He says, and we will walk in his paths. On va marcher dans ses For sentiers. The Lord shall go forth out of Zion. Car de Sion sortira and la the loi. Word of the Lord et la parole de l'Éternel. From Jerusalem. De Jérusalem. Wow. Is it not amazing? N'est-ce pas merveilleux? How many are ready to fulfill your destiny? Combien sont prêts à accomplir leur destinée? Are you ready to fulfill your destiny? Êtes-vous prêts à accomplir votre destinée? Are you sure you are ready to fulfill your destiny? Êtes-vous sûr? Now, maintenant, in 1 Corinthians, dans 1 Corinthiens, chapter 16, chapitre 16, we see something on voit quelque chose that is a little scary. Qui fait un peu peur. A little scary. Un peu peur. It says, ça dit ceci. A great door. Une grande porte. And effectual. Et d'un accès efficace. Is opened. Mais ouverte. Unto you. À moi. But there are many adversaries. Mais les adversaires sont nombreux. Wow. A great door. Une grande and porte. Effectual is open, et d'un accès efficace mais ouverte. But there are many adversaries. Et les adversaires sont nombreux. It is. Fantastic to hear c'est fantastique d'entendre the wonderful things that God is going to do. Les merveilleuses choses que Dieu va faire. But in 1 Corinthians chapter 6, mais dans 1 Corinthiens chapitre 6, 16 and verse 9, 16, pardon, verset 9, he said, a great door. So, international mission qui guérit Jésus. It's a great door. Amen. C'est une grande porte open unto us. Qui nous est ouverte. But there are many adversaries. Mais il y a beaucoup There's d'adversaires. A lot of opposition to it. Beaucoup d'opposition à cela. Hey. And we need Et il nous faut to rise up, nous lever and crush all the adversaries. Et abattre tous les adversaires. Zachariah. Chapter 1. Chapitre 1. Verse 16. Therefore, thus saith the Lord, I am returned to Jerusalem with mercies. Je reviens à Jérusalem and avec my house. Et ma maison. Shall be built in it. God has returned to the francophones with mercy. Je reviendrai vers les francophones avec miséricorde. God has returned to the francophones with mercy. Dieu revient vers les francophones avec miséricorde. And my house shall be built in it. Et ma maison y sera construite. God's house is going to be built wherever you are coming from and whatever nation you are representing. La maison de Dieu sera établie là où vous venez. Verse 17. 17. Cry yet saying, thus saith the Lord of hosts. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel. My cities, mes villes, through prosperity, à travers la prospérité, shall yet be spread abroad. My cities, through prosperity, à travers l'abondance, shall yet be spread abroad. Vont se répandre à l'étranger. This is the use of prosperity. Ça c'est l'utilité de la prospérité. Through the prosperity, par la prospérité of the church, de l'église, the cities of God, les villes de Dieu, are going to be spread abroad into all the nations. Se répandre à l'étranger. Alleluia. Dans toutes les nations. Alléluia. Prosperity is not to make anybody have anything too much. La prospérité, ce n'est pas pour que quelqu'un ait trop de choses. Mais à travers elle, mes villes shall yet be spread vont abroad. Se répandre à l'extérieur, à l'étranger. Of Lighthouse Chapel International. Par la prospérité de Lighthouse the Chapel cities International. Of God are coming to Kindia. Les villes de Dieu the vont office, dans Kindia. The office block you see, vous verrez in Dakar, you à see Dakar. Practically. You put pratiquement, it on Facebook. Vous mettrez même la photo and sur say, Facebook. What the Lord has done. Vous direz, voici ce que the Dieu a fait. Will flow into it. Des nations vont courir à l'église et seront établies. Wow. The Lord shall yet comfort Zion. L'Éternel shall yet choose Jerusalem. L'Éternel consolera encore Sion et choisira encore Jérusalem. Remember I told you your destiny. Souvenez-vous, j'ai dit quoi? You'll be called for. Votre destinée, on vous appellera. Can I have some what? Je peux avoir quoi? Du sel. You have salt in your house. Vous avez du sel chez vous à la maison. Is it important in your house? Est-ce que c'est important dans la maison? You are declared an important person. Je déclare que vous êtes une personne importante. You'll be called for. On vous appellera. That's your destiny. C'est votre destinée. It seems you have forgotten your destiny already. Vous voyez, vous avez déjà oublié votre destinée. Yeah, no, you have forgotten that you'll be called for. Vous avez oublié qu'on vous appellera. It says the Lord shall yet comfort Zion. L'Éternel consolera Sion et choisira Jérusalem. Now look at verse 9. Something is about to happen. Something is coming on. Quelque chose va se passer. Regardez bien. And I said to the angel that talked with me. Je dis à l'ange qui parlait avec what moi. What are these? He saw a vision. Qu'est-ce que c'est ces cornes? What are these? Qu'est-ce que ces cornes? Hey. 19. And he said. Et il me dit. These are the horns. Ce sont les cornes which have scattered Judah. Qui ont dispersé Judas. Israël and Jerusalem. Et Jérusalem. You see, the destiny of Jerusalem is great. Vous voyez la destinée de Jérusalem. But there are some horns. C'est grand, mais il y a des cornes that scattered qui vient disperser the congregation. La congrégation. Instead of the church being au lieu que l'église soit méga, scattered by some spiritual horn. Il y a des cornes spirituelles qui les dispersent. Look at verse 21. Verset 21. Then said I, what are these? Et je dis, saying, que vient-il faire? Et il dit, these are the horns which have scattered Judah. So that no man did lift up his head. You see, when you are supposed to shine and rise and become a city set on a hill, there are some horns that are there to scatter you so that you don't lift up your head, you don't become great as God's destiny is for you. Alors que vous êtes censé vous élever, briller comme Dieu a prévu que vous soyez, il y a des cornes spirituelles qui vont vous disperser, qui viennent vous disperser pour ne pas atteindre ce but-là de yes. Dieu. That's why Paul said that a great door is open, but there are many adversaries. There's a lot of opposition. C'est pour cela que Paul a dit une grande porte m'est ouverte, mais il y a de There's nombreux adversaires. Resistance. Il y a de la résistance. And frustration. Et de la frustration. Then verse 20. Verset 20. And the Lord showed me four carpenters. Et l'Éternel me montra I said, and the Lord showed me four what? Quatre carpenters. What does a carpenter have? Qu'est-ce qu'il a, le charpentier? Hammer, saw. Il a le marteau. Il a la scie. Il a des clous. Arrache-clous. Verse 21. Then said I, what are these carpenters coming to do? Que viennent faire ces charpentiers? You are declared an international spiritual carpenter. Je déclare être charpentier international. And he spake, saying, these are the horns which have scattered Judah, so that no man did lift up his head. But these Mais carpenters, ces charpentiers, have come sont to venus fray, to pour fray, les effrayer, to scatter, to cut off, pour les couper, them and to cast out the horns of the Gentiles, et pour abattre les which cornes, lifted up their horns over the land of Judah to scatter it. Qui se sont levés contre le pays Receive de Judah pour the anointing disperser. Of carpenters. L'onction de ces charpentiers là, l'onction des charpentiers, cut off the horns pour couper of the enemy. Les cornes de l'ennemi. Are you there? Oh, yeah. That's la. Yes. So you see, it takes something. Vous savez, il faut quelque chose. To fight on. It's not that, even though that is your destiny. That's why a lot of people don't see their destiny. Même si c'est votre destinée, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas leur destinée. There are a lot of adversaries. Parce qu'il y a beaucoup d'adversaires. Spiritual horn. Il y a des cornes spirituelles qui viennent disperser l'église de Conakry, disperser l'église d'Abidjan, ou l'église à Bobo-Dioulasso, ou tout le travail qu'on fait. And he said, who are these? I saw four carpenters. Et il dit, mais ils sont qui les autres là qui viennent? C'est quatre charpentiers. Who are these ones too? Ils viennent faire quoi? He was seeing the vision in picture. You see, lui voyait la vision. Say, what is this? Hey, c'est quoi les cornes? Another picture, four carpenters. What are these? Des charpentiers. They are the ones coming to cut off the horns. Eux, ils sont venus pour couper les cornes. You are declared. Je déclare. International. Vous êtes mission internationale. La mission internationale. Jésus qui guérit. Des charpentiers. Is it fantastic? That's fantastic. That is why Paul said a great door is open, but there are many adversaries. Paul a dit, il y a une grande porte qui m'est ouverte, mais il y a de nombreux adversaires. Deuteronomy chapter 2. Deutéronome chapitre 2. Deuteronomy chapter 2. Deutéronome chapitre 2. Verse 24. Verset 24. Rise ye up. Levez-vous. Rise ye up. Levez-vous. Take your journey. Partez. Pass over the river Arnon. Passez le torrent de l'Arnon. Behold. Vois. God is saying to us, rise ye up. Dieu nous dit, levez-vous. Rise up. Levez-vous. Pass over the river. In other words, overcome the obstacle. En d'autres termes, il dit passer le torrent de l'Arnon, ça veut dire surmonter les obstacles. Stop complaining about the river. Arrêtez de vous plaindre Pass de la rivière. Over the river Arnon. Surmontez la rive, le torrent de l'Arnon. Behold, voici. I have given into thine hand. Je livre entre Sihon, tes mains Sion, the king of Heshbon, le roi de Hesbon, and his land. Et son pays. I'm giving you his house, all his land. Tout son pays. And he says, begin to possess it. Il commence la conquête. And contend with him. Et fais-lui la guerre. Begin to possess it. Commence la conquête. Fight him. Et fais-lui. Ça veut dire combat-le. God has done it. Dieu l'a fait. God has done it. Dieu l'a fait. You are declared a fighter and Je a possessor. Des combattants et des conquérants. You are declared a fighter and a possessor Je of land. Combattants. Yes. You see, if you want us to do this thing without fighting, vous savez, si vous voulez qu'on fasse ces choses sans se battre, I don't think you understand what is going on. Je ne pense pas que vous comprenez ce qui se passe. Huh? There's nothing that we have. Even here, the land, même ici, le terrain, each plot, they don't sell, there's nothing like 1 acre. We've never had acre since we started buying the land here. There's nothing like acre. On n'a jamais entendu parler d'acre. Plot by plot, every space is le pain de terre, chaque bout de terre par le pain de terre. Yeah. There's nothing like 10 acres. Il n'y a pas de choses comme, oh, on vous donne 10 hectares. No. Plot by plot. C'est lot par lot. Every, almost every part, presque there was tout a wall, then it parties, moved, then it moved, then it moved. Il y avait un combat, et ça s'est grandi, a grandi, ainsi this de suite. Place, there was a cobra there. Ici, il y avait un cobra ici. Many cobras here. Il y avait beaucoup de cobras ici. Begin to possess. Commencez à la conquête. Behold, I have given to you Sihon the Amorite. Je vous ai donné Sihon l'Amoréen. The king of Heshbon. Le roi de Heshbon. And his land. Et son pays. And his land. Et son pays. Begin to possess it. Commencez la conquête. And contend with him. Et faites-lui la guerre. In battle. La guerre. You see, when Germany lost the World War. Quand l'Allemagne a perdu la guerre mondiale, they took them to court. On les a amenés devant le tribunal, court. Tribunal international de justice. And they charged them with 3 crimes. Et on les a chargés de 3 crimes. 3 crimes. The United Nations charged them with 3 crimes. Les Nations Unies les ont incriminés, les ont chargés de 3 crimes, pardon. Number one, le premier, crimes against peace. Le crime contre la paix. Number two, crimes against humanity. Le crime contre l'humanité. And number three, trois, genocide. Le génocide. Yes. Now, crimes against peace. Donc le crime contre la paix. Simply means. Ça veut dire. Starting an illegal war. Commencer une guerre illégale. A war that is illegal. Une guerre qui est illégale. There was no need to fight this war. Parce qu'il n'y avait pas besoin de faire cette guerre-là. It is an illegal war. C'est une guerre illégale. So he was charged with a new crime that they created for that occasion. Et donc, ils ont créé... Crimes against peace. Et donc ils ont créé un nouveau mot, le crime contre la paix. Starting an illegal war. Commencer une guerre illégale. Now in this verse, dans Deuteronomy 2:24. Deutéronome 2:24. He said, "Rise up." Il a dit, lève-toi. Take your journey. Vas-y, prends ton voyage. Pass over the river Arnon. Passe le torrent de l'Arnon. Behold. Et voici. I have given to you Sihon the Amorite. Je t'ai donné Sihon l'Amoréen. Le roi de Heshbon. And his land. Et son pays. Now God is the one commissioning you not for an illegal war. Donc Dieu est celui qui t'envoie pas pour une guerre illégale. But a legal war. Mais une guerre légale. Begin to possess it. Commence la conquête. And contend with him. Et fais-lui la guerre. In battle. You are declared a legal warrior. Je déclare vous êtes un combattant légal. By God to go and fight for all the francophone nations. Allez vous commencer la conquête pour tous les pays francophones. God will bless you. Dieu va vous bénir. God will bless you. Dieu va vous bénir. You don't have to pray for money. Vous n'avez pas besoin de prier pour l'argent. If they obey him, si vous obéissez, serve him, et vous le servez, they will spend their days, vous allez passer vos jours, in prosperity, dans la prospérité, and their years, et vos années, in pleasures, dans les plaisirs. Pleasures means swimming. Ça veut dire, par sunshine, exemple, la nage, le soleil. You'll be swimming in the pool. Vous êtes en train de nager dans une piscine. Drinking Coca-Cola. Vous boirez du Coca-Cola. Eating hamburgers. En train de manger des hamburgers. French fries. Ou des frites. Having sex with your partner, your spouse. Vous aurez des relations sexuelles avec votre partenaire. With different styles. Dans tous les styles différents. As a young person. Hey, hey. You won't shout amen. Are you there? You are leaving. Vous êtes toujours là ou vous partez? There's no need to pray for money. Il n'y a pas besoin de prier pour l'argent. When God's work is sitting before us, quand le travail de Dieu est là devant nous, said, arise. Il dit, lève-toi. Pass over the river Anon. Passe devant, passe au torrent de l'Arnon. Complaining that the river is a problem. You don't Arrête have bridges. You don't have, stop it. La rivière est cross un problème. It, il a dit, passe seulement. Behold, see. Voici. I have given you. Je te donne. Sihon. Sion, l'Amoréen, le roi de Hesbon, and all his land. Et son pays. There are houses that are waiting for you. Il y a des maisons qui nous attendent. When you obey God, you have more than one house. Quand tu obéis à Dieu, tu as plus qu'une maison. Those of you who are renting, ceux qui sont en train de louer, your days of renting houses, les jours de location sont finis. Look. If you want to provoke God, si tu veux provoquer Dieu, you see, in our bodies, dans notre there corps, is a part that is sensitive. Il y a une partie qui est sensible. Yes. Oh oui. Not all are the same. C'est pas toutes les parties qui sont if pareilles. I rub you here, si je te frotte ici, but there are some places if I rub you, il y a des parties si je te frotte. God is like that. Dieu est comme ça. He has a very sensitive part. Il a un endroit sensible. Do you want to know the sensitive part? Vous voulez sans savoir l'endroit sensible de Dieu? You know the sensitive part. L'endroit sensible de Dieu. The reaction. Ce sont les réactions. Quand tu dis, hey, stop it. Quand tu dis, arrête. When David the king. Quand David le roi. Said to God. A dit à Dieu, I want to build a house for you. Je vais bâtir une maison pour toi. There was a reaction. Il y avait une réaction. They have touched God's sensitive. Il a, là, il a touché la zone sensible de Dieu. It released some unprovoked reaction. Ça a relâché une réaction was not expecting all those non prévue. David, was not expecting all the things that Dieu n'attendait pas, David n'attendait pas toutes les choses qu'il, avait, qu'il allait recevoir. Yeah. God told Nathan the necessary. Go to my son, my servant. Dieu a dit, va vers mon serviteur. This man. Il dit, cet homme-là. Your child will be. Said, forever, David. Il dit, à jamais, David. David. There have been many kings, Amazia. Il y avait plein de rois. When I mentioned it, you don't know whether he's where on savait pas qui était. David, the name David. Mais qui c'était David? Throne will be established. Il dit, ton trône sera établi. This particular thing that you said. À cause de la chose particulière your que tu as faite. Will be here. Tes enfants seront assis là. Your son. Ton fils. Oh, bless them. Je vais les bénir tous. Oh. Even Jesus has been declared to be sitting on the throne of David. Même de Jésus, on dit qu'il est assis sur le trône de David. That was about 6,000 years ago. C'est à peu près 6,000 ans. This history is about 6,000 years old. 2,000 to Christ and 4,000 before. 2,000 ans, c'était Jésus. 4,000 ans avant Jésus, c'était l'époque de David. Donc 6,000 ans avant nous. 2,000 to Christ and d'ici 2000 ans, c'est Jésus-Christ. Et de Jésus-Christ à David, c'est 4000 ans. Yeah, that's a long time ago. Ça fait longtemps. It's as if you know him here and here. There are some things God is very sensitive to. Il y a des choses qui rendent when Dieu sensible. Build his house, quand on dit construire sa maison, par exemple. Build a house for you. Quand on dit, il dit, je vais construire une maison. I just look at people who are trying to build their own houses. Je regarde aux gens qui construisent leur propre maison. He said, why do you want to dwell in a house with a ceiling when my house is not yet finished? Pourquoi tu veux chercher à vivre dans une maison que tu as construite alors que ma maison n'est pas construite? So my friends, donc mes amis, mission internationale, Jésus qui guérit. Is declared established. Je déclare que c'est établi. Every builder of this great house, tous les bâtisseurs de cette maison, is declared, je déclare, a blessed house owner. Qu'il est une personne bénie qui possède aussi une maison. All the blessings that go from provoking God, toutes les bénédictions qui viennent suite au fait qu'on provoque Dieu. Quand on construit sa maison, I declare your possession from today. Je déclare que c'est votre portion maintenant aussi au nom in the de mighty Jésus. Name of Jesus, au nom puissant de Jésus. You never lack anything. Vous ne manquerez de rien. And God will satisfy you. Dieu va vous satisfaire. As you build this house. Alors que vous bâtissez sa clap maison. For mission international. Applaudissez pour L'église Jésus qui guérit. Hallelujah! Hallelujah! You may be seated. Prenez place. Fantastic. Fantastique. So, et donc, do you feel the energy to do this work? Sentez-vous l'énergie pour faire ces choses? It's amazing. C'est étonnant. It's energy to build a church. We are going to possess the land. Nous allons posséder le pays. Contend. Nous allons faire la guerre. Many fights. Beaucoup de combats. Just to possess the land. Juste pour conquérir la terre. Win the souls. And gagner des âmes. It will be the bigger. You see that because you see, I'll tell you something. Je vais vous dire une chose. I don't know whether I should say it. Je ne sais pas si je dois dire ça d'ailleurs. Many people are not planting new churches. Il y a beaucoup de gens qui ne plantent plus de nouvelles églises. Yes. Many people are not planting. Beaucoup de gens ne plantent plus de nouvelles églises. Yes. That's true. C'est vrai. So even when you go to certain places, you see that although our church it may not be that big, but it's, sometimes it's the only church there. Et vous verrez nobody endroit, can come. Nobody wants to go to such a place. There's même nothing there. Même s'il n'y a peut-être pas beaucoup d'églises, mais c'est la, on a notre seule église qui est là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller implanter de nouvelles églises. The time is going to come, you see that. Mais le temps viendra où vous verrez main church at so many places. Qu'on deviendra la, l'église principale dans beaucoup d'endroits. Jésus qui guérit, oh. Il a on ici. Dit, tu cherches quelle église? L'église là-haut. Dans telle ville, c'est là. Il est là. Too nice. C'est trop beau. Too nice. Shall come to pass. Ça se réalisera. Isaiah said it and Micah said it. Isaiah l'a dit, Michel l'a dit. Micah said it. The mountain of the Lord's house. La colline de la montagne. The top of the mountain. La colline de la maison de l'Éternel sera sur le sommet. I have to go to Mount Everest so that I can understand this scripture very well. Je dois aller sur l'Everest pour comprendre ce verset. One of these days I'll be going to Nepal. Un jour, bientôt, j'irai au Népal. So I can get a full picture of the mountain of the Lord's house in the top of the mountain. Comme ça, j'aurai une belle image de la montagne de la maison de l'Éternel. Wow. Is it amazing? N'est-ce pas étonnant? Never think you are in a poor place. Ne pensez jamais que vous êtes à un endroit pauvre. Don't think that way. Ne pensez pas comme ça. And in the next session, et dans la session suivante, je vous montrerai. If you joke with certain things, si vous plaisantez avec certaines choses, vous serez pauvre. You'll be poor. Vous serez pauvre. There's nothing poor here. Il y a rien de pauvre ici. I said there is nothing. J'ai dit, il y a rien de pauvre ici. Receive that mantle on your life. Recevez ce manteau là au nom de Jésus. Don't try to understand certain things. Ne cherchez pas à comprendre certaines choses. Croyez seulement. Believe. Croyez. Believe. Croyez. Believe. Croyez. God will use you. Amen. All right. We take a break. On va prendre une pause. And when we come back, quand on va revenir, we shall continue to possess the land. On va continuer à posséder le pays. Are you enjoying the campus? Est-ce que vous appréciez le camp? Is it fantastic? Est-ce fantastique? Is it amazing? Est-ce étonnant? Now, as you walk here, alors que vous marchez ici, grace, toute la grâce, whatever grace, hein? Whatever grace, toute la grâce, made this place to be here, qui a fait que cet endroit soit receive ici, it and carry recevez it away cela. Amen. Now, never jamais, say to yourself, ne vous dites I am jamais, poor. Je suis pauvre. Do you know? Vous savez? This town where we are, cette ville où on est, it was so poor, c'était tellement pauvre that they don't sell plantain and groundnuts here. Qu'ils ne vendaient même pas des arachides et des bananes plantains. It was so poor that they don't boil corn. They don't sell boiled corn here. C'était tellement pauvre. The only place they sell boiled corn at Abori, because nobody who can buy it. De maïs bouilli ici, personne n'achetait ici ces choses-là. This town, dans cette ville. Like, do you know what I say? Boiled corn, like they boil it. Vous savez, quand je passe, les maïs, oui. Nobody can buy it. Du blé. Yes. What do you call it in French? Boiled corn. Maïs, oui. Maïs, oui. Maïs, oui. Maïs, oui. Do they sell some in here? Yeah. No, here, no. Nobody can buy it. There's nobody here to buy it. Whatever glory lifted out of the poorest town. Tout ce qui a grandi, qui est sorti d'un endroit pauvre. Something great. Quelque chose de grand. Receive that glory in your life. Recevez cette gloire là dans votre vie. Receive that blessing in your life. Recevez cette bénédiction là dans votre vie. Francophone Africa will never be the same again. Je vous dis, les francophones ne seront plus jamais les mêmes au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. You may be seated. Je vous bénisse. Prenez place.